Dialogue 1. Salut Ivana, ça va ? Salut Juan. Oui, ça va et toi ? Tu vas bien ? Bien, merci. Le cours commence. À plus tard. Salut. Dialogue 2. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous ? Je vais très bien. Excusez-moi, je suis en retard. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. À demain.